Jay, laissez le cas. We back, baby. Ok, touchez les étoiles. Yeah. Substance mélancolique, histoire de voyager. Les étoiles, j'aime les toucher. Dans le ciel, je m'envoler. L'espoir n'a pas brûlé. Laissez-moi rêver. Je veux croire en mes rêves. Pour faire serrer le fiscal. Tu veux que je te donne à bout de mon rêve, être sur une plage avec une belle blonde. Je suis coincé à Paname pour rêver, faut que j'attende que la paye tombe. Ceux qui partent pas, y'a encore la musique pour voyager. L'espoir s'est envolé pour aller surfer sur la voie lactée. Hey, mets le son à fond dans le poste ou dans ton iPod. Ce soir tu sors avec les plus belles filles qu'il y a dans ton iPhone. On a la vibe mais à Paris dur de trouver la plage. Je repense à ton ex, killer Wheezy, dur de tourner la page. Mais j'essaye de pas prendre en compte mon thème astral. L'instru, le swag, le flow, la rime, ma belle, tu aimeras strac. Regarde le ciel, tu verras peut-être un prince tomber des cieux. L'espoir s'est envolé, tu vois de la poussière d'étoiles dans ses yeux. Avec le temps je sais que la solitude m'a brisé. Y'a qu'un sourire derrière lequel je pourrais m'abriter. Je peux miser, je sais que je trouverai pas ma brité. Je dois rallumer les feux de l'amour, passe-moi ton briquet. Sur son, je vais décoller, histoire de voyager. Les étoiles, j'ai envie de toucher. Dans le ciel, je m'envoler. L'espoir n'a pas brûlé. Laissez-moi rêver. Je veux croire en mes rêves. Je veux croire en mes rêves. Faut croire en nos rêves. Les étoiles, j'ai envie de toucher. Et pas lâcher l'affaire, chez l'affaire, laissez-moi rêver. Pour toucher les étoiles, toucher les étoiles. Toucher les étoiles. Faut croire en nos rêves, Écoute, Je me suis brûlé les ailes en voulant voler près du soleil. J'ai retrouvé mes rêves enfermés au royaume du sommeil. Vu que j'ai pas d'oseille, j'attends plus que les jolies filles me sourient. La vie a décidé de me briser, d'enterrer mes souvenirs. La chance me manque. Moi je suis encore coincé dans ma routine. J'ai peur à vie que le désespoir me hante. J'avance en espérant que ma bonne étoile sera derrière moi. C'est JLS, c'est le cas, je te le répète juste une dernière fois. Je me suis brûlé les ailes en voulant voler près du soleil. J'ai retrouvé mes rêves enfermés au royaume du sommeil. Vu que j'ai pas d'oseille, j'attends plus que les jolies filles me sourient. La vie a décidé de me briser, d'enterrer mes souvenirs. La chance me manque. Moi je suis encore coincé dans ma routine. J'ai peur à vie que le désespoir me hante. J'avance en espérant que ma bonne étoile sera derrière moi. C'est JLS, c'est le cas, je te le répète juste une dernière fois. Sur son, je vais décoller, histoire de voyager. Les étoiles, j'ai envie de toucher. Dans le ciel, je veux m'envoler. L'espoir n'a pas brûlé. Laissez-moi rêver. Je veux croire en mes rêves. Je veux croire en mes rêves. Je veux croire en mes rêves. Jay, laissez le cas. Je veux croire en mes rêves. 2012 est pour l'éternité.